Ouais, spéciale dédicace à tous ceux qui font de la musique. À tous les chanteurs, tous les auteurs, tous les compositeurs. À tous ceux qui ont des fans. A todos los cantantes, los autores, compositores. A todos los que hacen música. Va para vosotros. Esto se dirige a ti si eres un cantante. Tienes que cuidar lo que vas a contar. Te debes de pensar en el mensaje que le vas a dejar a la gente que te oye. Porque si cuentas que de emborracharse o que de fumar porros, tú lo ves normal. Te das cuenta que los más jóvenes que oye, con todo lo que cuentas, los puedes incitar. Estoy seguro que a tu hijo no le dirías eso. Entonces ten cuidado y corrige tus letras. Déjate los insultos y piensa en tu familia. Si un día oyen tus discos, que dure de vergüenza. Pero en serio, ¿de qué vas a cambiar de cara? Déjate la mentira, no te tomes por un gangster. Más vale que te dejes ya esas historias insensatas. Déjate la violencia y las malas apariencias. Si piensas que para cantar hip hop, rock o reggae te obliga a hablar mal, porque es música de la calle. Es que no ves que nos rebajas y reduces nuestra imagen a gente sin cultura que no sabe expresar. Esta canción es un mensaje a todos los que cantan. Tenemos que pensar en lo que vamos a decir. Tenemos que reflexionar un poco antes de escribir. En los que pueden escuchar, que podemos influir. Esta canción es un mensaje a todos los que cantan. Tenemos que pensar en lo que vamos a decir. Tenemos que reflexionar un poco antes de escribir. Nos pueden escuchar que podemos influir. Ahora va por ti si haces un videoclip. No nos enseñes coches caros o chicas desvestidas. Eso puede traer delincuencia y llevar a la prisión a los jóvenes que te miran por la televisión. Sí, ya creo que es la hora de cambiar de dirección. Te debes de reaccionar, de cambiar tu actuación. Que cuando tengas en las manos un micro o un lápiz, que pongas atención y los uses con razón. Porque lo que importa más en una canción, sí, ya sabes lo que es que te llegue al corazón. Entonces tú verás cuál es tu intención. Tengo que acabar en francés, te dejo con tu reflexión. Si aujourd'hui je suis ici, c'est pas pour donner des leçons. C'est juste pour parler entre amis à tous ceux qui font des chansons. Car il faut soigner tout ce qu'on dit et il faut faire très attention. Faut pas inciter les plus petits à prendre la mauvaise direction. Alors surveille tout ce que tu dis quand t'as un micro dans les mains. Et réfléchis quand tu écris à ceux qui t'écouteront demain. Ton entourage soit pas surpris, il ne fait jamais honte au tien. Ne prends pas pour un bandit, les insultes servent à rien. Cette chanson est adressée à tous ceux qui sont des chanteurs. Faut être conscient, toutes nos paroles peuvent inciter nos auditeurs. Faut que le texte y soit sensé, qu'il pousse personne dans l'erreur. Et que le message qu'on fasse passer ne soit jamais destructeur. Cette chanson est adressée à tous ceux qui sont des chanteurs. Faut être conscient, toutes nos paroles peuvent inciter nos auditeurs. Faut que le texte y soit sensé, qu'il pousse personne dans l'erreur. Et que le message qu'on fasse passer ne soit jamais destructeur. Si dans les paroles que t'écris, tu te prends pour un gangster. Tu parles mal avec ta bouche dans tes chansons et tes concerts. Faut que tu penses à tes parents et à l'effet que tu peux leur faire. Faut que tu penses à tes enfants si un jour ils entendent leur père. Est-ce qu'à ton fils tu lui dirais que fumer des joints ça fait du bien? Boire de l'alcool toute la journée, la soirée, ça fait rien. Tu sais très bien que non, ça n'aura aucun sens. Revois le texte de tes chansons, n'incite pas à la déchéance. Et si tu fais un clip, ouais, fais-le avec bienséance. Laisse de côté les grosses voitures et les femmes délées du guillard. En faisant ça tu peux pousser les gens à la délinquance. Quand ils te voient à la télé, alors agis en conséquence. Dans ta façon de penser, pour faire du hip-hop ou du hard rock, t'es obligé de mal parler. C'est de la musique de rue des cartes. Si avec ce genre de pensée, on passe pour des insensés, pour des gens non cultivés qui savent même pas s'exprimer. C'est cette image qu'il faut changer, tout le monde puisse nous écouter. Que ça soit un enfant de 6 ans ou bien toutes les personnes âgées. On nous écoute pas que dans les quartiers, plus personne soit choqué. Que nos messages soient imprégnés d'amour, de paix et de gaieté. Cette chanson est adressée à tous ceux qui sont des chanteurs. Faut être conscient que toutes nos paroles peuvent inciter nos auditeurs. Faut que le texte y soit sensé, qu'il pousse personne dans l'erreur. Et que le message qu'on fasse passer ne soit jamais destructeur. Esta canción es un mensaje a todos los que cantan. Tenemos que pensar en lo que vamos a decir. Tenemos que reflexionar un poco antes de escribir. En los que pueden escuchar, que podemos influir. Esta chanson est adressée à tous ceux qui sont des chanteurs. Faut être conscient que toutes nos paroles peuvent inciter nos auditeurs. Faut que le texte y soit sensé, qu'il pousse personne dans l'erreur. Et que le message qu'on fasse passer ne soit jamais destructeur. Esta canción es un mensaje a todos los que cantan. Tenemos que pensar en lo que vamos a decir. Tenemos que reflexionar un poco antes de escribir. En los que pueden escuchar, que podemos influir.